Une fois j'ai dit au daron je faisais de la musique, ça l'a fait marrer. Une fois une conne m'a pris pour une star, ça m'a fait marrer. Tu crois que tu peux me blesser, je veux déjà du rap blessant. Sans blesse, sans règle, et vous te change tout le temps. J'ai voulu rester intègre, homme noir donc de principe j'ai voulu rester un nègre. Comme dit Style, ma carrière c'est peut-être fini après steak. Se raconte ta vie. J'aime mes gens, mon son les respecte. Pour eux respectaculaire. Sur scène, j'ai une mariole, pas la marionnette. Je peux pas plaire à Saïd, Douma, mais Henriette. Façon, je m'en fous honnêtement. Demain j'ai prévu d'être en chien comme la star du moment. Je me ferai jamais assez de sous pour toute ma vie en un coup. Donc je nique l'instant, tu crois pas. Et tes conseils, on s'en fout. Comme tu te foutais de nous il y a 10 ans. Aujourd'hui tu gazouilles, demain tu boitilles. Je m'en fous. On s'en fout de ce que tu javes. Je m'en fous. Toi tes locks c'est ta ganache. Je m'en fous sur cette terre. Je fais ce que je kiffe, c'est déjà beaucoup. Eh hey, le boulard, y'a comme un hic. Je m'en fous. T'es tout sec, mec, retourne aux acédiques. Je m'en fous. Eh hey, le piaf, t'es pas fou, on s'en fout. Je m'en fous sur cette terre. Je fais ce que je kiffe, c'est déjà beaucoup. On dit mon rap trop compliqué. On n'a pas fait la même école dans mon rap trop impliqué. Même ma mère, ça désole. Ça me fait même pas gagner des sous. Encore moins baiser des sous. Viens pas me laisser. Quand j'ai commencé, j'avais même pas que t'allais m'écouter. J'ai un secret, la merde vient rime à mon contact. Plus je galère, plus c'est abondant. Plus je rappe, plus c'est emmerdant. Pour les mécréants, je fais du rap attitude. Big up aux survivants et leur création. Ma conso, mon son. Le temps d'un tech, j'échappe à la consommation. Ici c'est sérieux quand on parle son. On parle pas d'or si on peut pas le fondre. On écoute des trucs mal à la tête. En vitesse, ma culture musicale par la fenêtre. Aujourd'hui tu gazes, demain tu boites. Je m'en fous. On s'en fous de ce que tu jactes. Je m'en fous. Toi, tes logs, c'est ta ganache. Je m'en fous sur cette terre. Je fais ce que je kiffe, c'est déjà beaucoup. Hey, boulard, y'a comme Mike. Je m'en fous. T'es tout sec, mec, retourne aux acéliques. Je m'en fous. Hey, le piaf. Pas fou, on s'en fout. Je m'en fous sur cette terre. Je fais ce que je kiffe, c'est déjà beaucoup. Je connais beaucoup de monde par le rap. Merci à Dieu pour le rap. Merci. Aujourd'hui tu causes, demain tu parles rap. T'inquiète, je serai là pour te le rappeler. Pilote ma vie comme je peux les crash. Je suis pour que je la manie comme une balle dans les pieds de Pelé. C'est relou mais je vis en fonction de l'ennemi. Ici avec la zig, je suis perdu comme un noir en Russie. Avant que t'arrives, t'étais déjà dans mon combat. Si si, quand même j'ai faim ce que je fais man. T'as même pas idée man. La musique mon aimant, mon cœur son aimant. Rimeur à gage, groupe hors structure. Tant que le son pète, le reste c'est rien que la littérature. Je suis le deuxième sortant, le premier chiffrant pour son futur. Le rap un sacré foutoir, je te jure. Si je rappe, c'est que c'est dead man. Ici on apprend à doser l'espoir, je te jure.